apprennent que les poètes ont disparu. Leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la. Hola, soy Andrés, estamos en Radiopolis y hoy conmigo en el control está Miguel. Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Es una nueva temporada de la chanson que empezamos con ilusión hoy. En julio tuvimos un programa muy relajado sobre el mar, hacía calor, estábamos de vacaciones o deseándolo. En agosto, lo que tenemos suerte de poder irnos por ahí, nos encontramos con un doble éxodo, el de los turistas llenando las playas y el de los migrantes intentando llegar a ellas. Es triste, ¿verdad? Las migraciones siempre han existido, pero tanto el turismo es un fenómeno bastante reciente, como el masivo flujo de personas que intentan por todos los medios labrarse una vida mejor. Nuestra época es una época que agudiza estos contrastes. Tendremos que vivir con ellos, supongo. No podía hacer otra cosa este mes de septiembre que dedicar este programa a los migrantes. Migrantes, emigrantes, inmigrantes, refugiados y demás nómadas que desde tiempos inmemoriales han tenido que dejar su ciudad, su país, su familia, para probar suerte en un mundo desconocido y a menudo difícil de entender. Francia, como sabráis, es un país que ha acogido muchas personas y que debe su parte de prosperidad al trabajo silencioso y sumiso de muchas personas que han emigrado a Francia. La mayoría de ellas, hasta hace poco, se ha hecho un hueco en la sociedad, llegando algunas a situaciones destacadas. Por ejemplo, son numerosos los artistas franceses nacidos en otros países. Pero eso será el tema de otro programa. Vamos a dedicar el de hoy a canciones que hablan de los emigrantes. Vamos a empezar por un tema de Pierre Perret, que ya hemos escuchado aquí. Es un veterano de la canción francesa que tiene 81 años, pero que sigue alternando en su repertorio canciones cómicas, ligeras, un poquito verde incluso, como el Zizi que hemos escuchado, o comprometidas. Se ha hecho famoso por introducir el argot en sus textos. Se ha hecho muy popular entre los niños, lo que le ha valido ser la persona viva con más escuelas que lleva su nombre, un total de 19 en Francia. Entre sus textos comprometidos está esta famosa canción de 1977. Lleva el nombre de su personaje, se llama Lily. Lily era somalí y venía a París de buena gana limpiar la basura. Creía que en el país de Voltaire y Hugo todos eran iguales, pero dice Debussy, un célebre músico francés, que hace falta dos blancas para hacer una negra. Trata en resumen del racismo ordinario y de lo difícil que resulta integrarse. Escuchemos pues a Lily de Pierre Perret del año 77. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.

dureza en lo duro que es integrarse en un nuevo país sin dinero, con trabajo, esfuerzo, valentía y abnegación, como sus propios padres, o como Marie Curie, que cita en la canción, emigrante polaca y dos veces premio Nobel. Escuchemos Les Émigrants del año 86, perdón, de Charles Aznavour. Comment crois-tu qu'ils sont venus? Sont venus les poches vides, les mains nues, pour travailler à tour de bras et défricher un sol ingrat. Comment crois-tu qu'ils sont restés? Ils sont restés en trimant comme des damnés, sans avoir à lever les yeux pour se trouver tout près de Dieu. Tous ensemble, nous en vois-tu, plein de ferveur et de vertu, tous ensemble, bâti un temple à temps perdu. Comment crois-tu qu'ils ont tenu? Ils ont tenu en étant croyants et têtus, déterminés pour leurs enfants à faire un monde différent. Les émigrants. Comment crois-tu qu'ils ont mangé? Ils ont mangé cette sacrée bâche enragée qui vous achève ou vous renfort, soit qu'on en crève ou qu'on s'en sort. Comment crois-tu qu'ils ont aimé? Ils ont aimé en bénissant leur premier-né, en qui se mélangeaient leur sang, leur tradition et leurs accents. Tous ensemble, ils ont bientôt créé un univers nouveau. Tous ensemble, sans holocauste et sans ghetto. Comment crois-tu qu'ils ont gagné? Ils ont gagné quand il a fallu désigner des hommes qui avaient du cran. Ils étaient tous au premier rang. Les émigrants. Comment crois-tu qu'ils ont souffert? Ils ont souffert, certains en décrivant l'enfer avec la plume ou le pinceau. Ça nous a valu Picasso. Comment crois-tu qu'ils ont lutté? Ils ont lutté en ayant l'amour du métier, jusqu'à y sacrifier leur vie. Rappelez-vous Marie Curie. Tous ensemble, avec leurs mains, ils ont travaillé pour demain. Tous ensemble, servant l'exemple au genre humain. Comment crois-tu qu'ils ont fini? Ils ont fini, laissant un peu de leur génie dans ce que l'homme a de tout temps fait de plus beau, fait de plus grand. Les émigrants. Les émigrants. Charles Aznavour no es solo un cantante que habla de amor. Habla también de muchos temas comprometidos y muchas veces antes de su tiempo, por ejemplo, fue el primero en cantar la homosexualidad. Ese mismo año del 86, escuchábamos Ton Fils, tu hijo, del icono de la canción francesa Johnny Hallyday. Johnny, nuestro Johnny nacional, tiene 72 años, pero todavía es un rocker en forma después de 55 años de carrera.

à perpétuité. Dos años más tarde, nos encontramos con el tremendo éxito de Né quelque part, nacido en alguna parte, de Maxime Le Forestier. Maxime, como se le conoce con su nombre, solo su nombre, de 66 años, ya no tiene la fama considerable que tuvo en los años 70 cuando empezó, pero sigue siendo un artista importante en la memoria colectiva. Ya lo escuchamos aquí en otra ocasión. Vamos a escuchar esta canción que dice que no se elige a sus padres ni las aceras donde se aprende a andar. El sitio donde uno nace siempre es una casualidad. El estribillo en Zulu significa cuando uno es violento se equivoca. Esta canción es una reacción de Maxime Le Forestier en contra de las leyes del ministro de Interior Charles Pasqua del año anterior, que tendían a negar el tradicional derecho del suelo de Francia. Escuchemos Né quelque part de Maxime Le Forestier del año 88. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Pareil ou pas. Vous gagnez ma vie.

Volveron a formar el grupo 20 años después, por 2 años solo, y esa canción que vamos a escuchar es de este periodo del 94. Se llama Quand Rose va chez son fils, cuando Rosa va a casa de su hijo. En la canción, Rosa o Rose es una inmigrante que va a ver a su hijo. Le lleva flores, le cuenta historias de su Rumanía natal. Hija y mujer de inmigrantes, siempre ha soñado con parar de tener que moverse en todo el mundo y tener una casa verdadera, pero la única tierra que tiene es la tumba de su hijo Jean. Es una canción muy emotiva que solo al final desvela el drama de la muerte del hijo a los 20 años por el dictador Ceausescu. Escuchamos Quand Rose va chez son fils de Beau Dommage. Quand Rose va chez son fils, elle apporte avec elle un bouquet de muguet, une branche de lilas. Elle apporte de l'encens pour parfumer le vent. Quand Rose va chez son fils Jean, quand Rose va chez son fils, elle lui parle de son pays. Elle entend les soldats piétiner le jardin et les pleurs de son chien. Devant la maison désertée, fille et femme d'immigrants, de Belgrade à Paris, du Maroc au Liban, de visa en visa, Rose va. Elle s'affaire à la vie dans son noble royaume où règnent les icônes dans l'odeur des bougies. Rose prie. Elle invente des nouvelles, des lettres de Yachi ou de Constanza. Elle raconte la naissance ou la mort d'un parent. Quand Rose va chez son fils Jean, fille et femme d'immigrants. C'est un lopin de terre dans un grand cimetière où son fils endormi Rose prie. Les fleurs, elle chante, elle pleure, et chaque fois elle y meurt. Elle apporte de l'encens, elle parfume le vent pour son fils Jean, mort à 20 ans. Recordemos que Canadá, un país tradicional de emigración, está cerrando las puertas. El gobierno actual, conservador, está poniendo mucho más trabas a la emigración. Lo hemos podido comprobar con el caso de la familia del niño Aylan, descubierto muerto en la playa, como todo el mundo sabe. Su tía, que estaba allí, sigue viviendo allí en Canadá, no ha podido, antes del trágico drama, hacer venir a su familia. Seguimos con otro artista, Rachid Taha. Como su nombre indica, no es de origen francés y, a pesar de vivir casi toda su vida en Francia, de momento, a sus 56 años, sigue teniendo solo la nacionalidad argelina. Se dio a conocer en el 86 versionando con su grupo Carte de Séjour, que significa tarjeta de residencia, el tema famoso de Charles Trenet, el cantante de nuestra sintonía, Douce France, Dulce Francia. Desde entonces sigue con su estilo, mezclando con éxito la música rock y la música árabe, como el Rai o el Shabi. Se hizo mundialmente famoso con Ya Raya, que seguro que vais a reconocer. Vamos a escuchar los primeros compases de este tema. Esta canción dice: oh viajero, a donde vas te cansarás y volverás. ¿Cuántos imprudentes se han arrepentido antes de ti y antes de mí? Bueno, vamos a escuchar un tema en francés de Rachid Taha del año 95 que se llama Voilà Voilà, que se podría traducir por Ahí está o Ahí están. Los que prefieren el olvido a la memoria, los que dicen que el extranjero es la causa de nuestros problemas. Pensaba que se había acabado, pero solo era un receso. Voilà, voilà, de Rachid Taha. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Moi je croyais que c'était fini. mais non, ce n'était qu'un répit. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout, et sur la toute France. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout, on y avance. La leçon n'a pas suffi. Faut dire qu'à la mémoire, on a choisi l'oubli. Dehors, dehors, les étrangers. C'est le remède des hommes civilisés. Prenons garde, ils prospèrent. Pendant que l'on regarde ailleurs. Prenons garde, ils prospèrent. Pendant que l'on regarde ailleurs. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout, sur la douce France. Voilà, voilà, ça commence. Voilà, voilà, ça recommence. Partout, partout, sur la douce France. Voilà, voilà, ça recommence. Partout, partout, ils avancent. Voilà, voilà. The lesson was not learned. The memories they choose to forget. Everywhere I hear voices say, foreigners, you are the cause of our problems. Me, I thought it was all over, but in fact it was only a pause. Voila, voila, it starts voila, again. Voila, everywhere, everywhere, even in London's thrones. Voila, voila, it's starting again. They are coming. Voila, voila. Voila, voila, ça commence. Partout, partout, sur la douce France. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout, ils avancent. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout, sur la douce France. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout, ils avancent. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout, sur la douce France. Vamos a escuchar ahora un tema de un álbum que hizo historia cuando salió en el 96. Es Première Consultation, Primera Consulta, se entiende que al médico, del rapero Doc Gineco, doctor, ¿no? Del que vendió 1 millón de ejemplares. Doc Gineco nace en París de padres de la isla francesa de las Antillas, la Guadeloupe. Por lo tanto, es hijo de inmigrantes, aunque con nacionalidad francesa, y no es blanco de piel. La canción que vamos a escuchar se llama Je suis né ici, nací aquí, y trata de su doble cultura, de la vida del Caribe y de la de París, y de la imposibilidad de compaginarlas, el lote habitual del emigrante. Aquí todo es gris, se llama París, las calles están muertas, las chicas siempre enfadadas, allí hace calor, se bebe coco, las chicas están doradas y huele a especies y ron. Je suis né ici de Doc Gineco del año 96. Là-bas il fait chaud, on boit l'eau du coco. Sous les cocotiers, les filles sont dorées, les maillots mouillés et les bondes à bomber. Ça sent le colombo, les plats épicés. Y'a du zouk à fond, des fruits de la passion. Francky Vincent est le saint patron. On coupe la canne pour en prendre le sucre. Mélange et citron vert, et rhum Trois-Rivières, Bologne ou la Monie. Et oui, c'est clair, clair comme l'eau de la mer. J'y vais quand c'est gratuit, congé bonifié. Dis-moi, dis mal, est-ce que tu connais? Suis-moi dans les hauteurs de la Soufrière. Je suis le guide touristique qui t'emmène en basse terre. On tape une pointe pour aller à la pointe. C'est du frotter, frotter et des gens qui s'éreintent. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas.